Yeah. Rebels Family Z. This is a remix, my nigga. Christy Bay in the mix. Sombre. Remix. Dark. Crazy. J'ai des meufs même à Londres. La BR est plantée dans Bendo. J'ai des hosts qui m'appellent et le keuf possède mes photos. J'ai des meufs même à Londres. L'oseille est planquée dans de quebans. J'suis comme le yin et le guyant. Je change de couleur à la seconde. Dark size, sombre. Mon côté blanc est comme un panda. Dark size, sombre. Mon côté blanc est comme un panda. Si je mens, pends-moi. Ma chérie, crois-moi. La nuit appartient à mes soldats. Rebels, family, dépendants. Mes paroles sont comme des balles. Si tu me cherches, c'est un homicide. Ce soir, mes négros ont la laide. Nous fait pas de l'ombre, c'est mission suicide. On fait comme un WA. Fuck la police, on possède de calibre. Je roule en lambeau, tant en vélibre. Des négros se tuent pour Rikeli. Fuck les faux, dis les faux, dis les négros. Je suis dans ma hard life. Pendez-les, shootez-les. C'est ce qu'on appelle la blood life. Les condés, espèrent nous choper. Ma famille est trop grave. Ces enfoirés, enfoirés, belles. Le sommet sans savoir qu'ils sont nos esclaves. I'm down. Hey, you're crazy. Let me tell you something. This is a real remix, nigga. Dark Biggie on the game. Cheer. Rebels Family represent. J'ai des meufs même à Londres. La BR est planquée dans Bendo. J'ai des hosts qui m'appellent et le keuf possède mes photos. J'ai des meufs même à Londres. L'oseille est planquée dans de quebans. J'suis comme le yin et le guyant. Je change de couleur à la seconde. Dark size, sombre. Mon côté blanc est comme un panda. Dark size, sombre. Mon côté blanc est comme un panda. Si je mens, pends-moi. Ma chérie, crois-moi. La nuit appartient à mes soldats. Rebels Family des pandas. Je me réveille comme un sopra. Ton buzz est fini comme le soupra. Blague pas avec mes renois. Ce qui va t'arriver c'est le coma. J'fais l'oseille, au bras. Et avec moi y'a que de gros bras. Ce qui nous excite c'est la moula. Comme petit déj on a de combat. On te bute, fin du game. La chaîne Kamago est un délice. On sait que te con a des blèmes. Des négros se battent pour Harris. My homie, fais vœu de silence. On va t'exterminer. Garde pour toi ta poisse. Viens pas nous contaminer. Dark. Marcus Sergi, dis-leur qu'on est les best, frérot. Il va chercher de la perche là, nous descend. Viens voir Dark Biggie, number one in the game. J'ai des meufs même à London. La BR est planquée dans Bendo. J'ai des hosts qui m'appellent et le keuf possède mes photos. J'ai des meufs même à London. L'oseille est planquée dans de quebans. J'suis comme le yin et le guyant. Je change de couleur à la seconde. Dark size, sombre. Mon côté blanc est comme un panda. Dark size, sombre. Mon côté blanc est comme un panda. Si je mens, pends-moi. Ma chérie, crois-moi. La nuit appartient à mes soldats. Rebels, family, dépendants. C'est la guerre entre nous, pas pardon lil homie. Garde pour toi tes alibis. Tu bangs un amour tout si t'es un mouyipi. On sort le kalash même au Grammy. T'as bavé sur nous et t'as vomi. Qui tient ça nous soutient je parie. Donne d'honneur à tous nos ennemis. On te fuit, fin du game. Noir et blanc comme un panda. Gros ta team, a des blèmes. Des négros se flinguent pour Frida. Côté noir, dark. Côté blanc, panda. Côté noir, dark. Côté blanc, panda. Yeah. Shout out to my nigga Fraim Kandola. Number one in the game, représente RDC. 243 baby. DMC. Rebels Family Z. Dark. Bitch damn. Dab. Goddamn. Dab. I said bitch damn. Dab. I said goddamn. Dab. Bitch damn. Bitch damn. Goddamn. I said bitch damn. Dab. I said goddamn. Let go. Dab in the pussy. I said dab in the pussy. Bitch dab in the pussy. I say dab in the pussy. Yeah. Hey, I'm crazy.